Les collines, sous l'avion, creusaient déjà leur siège d'ombre dans l'or du soir. Les plaines devenaient lumineuses, mais d'une inusable lumière. Dans ce pays, elles n'en finissent pas de rendre leur or, de même qu'après l'hiver, elles n'en finissent pas de rendre leur neige. Et le pilote, Fabien, qui ramenait de l'extrême sud vers Buenos Aires le courrier de Patagonie, reconnaissait l'approche du soir au même signe que les eaux d'un port, à ce calme, à ces rides légères qu'à peine dessinaient de tranquilles nuages. Il entrait dans une rade immense et bienheureuse. « San Julián est en vue. Nous atterrirons dans 10 minutes. » Le radio-navigant passait la nouvelle à tous les postes de la ligne. Sur 2 500 km, du détroit de Magellan à Buenos Aires, des escales semblables s'échelonnaient, mais celles-ci s'ouvraient sur les frontières de la nuit, comme en Afrique, sur le mystère, la dernière bourgade soumise. Le radio passa un papier au pilote. « Il y a tant d'orages que les décharges remplissent mes écouteurs. Coucherez-vous à San Julián ?» Fabien sourit. Le ciel était calme comme un aquarium, et toutes les escales devant eux leur signalaient « Ciel pur, vent nul. » Il répondit « Continuerons. »